Chapitre 8e. Oui, elle était une pauvre femme en tout, pour tout, elle le sentait, elle le voyait, mais non pour sa fille, cependant. C'était même à ses yeux un sujet d'étonnement, que lorsqu'il s'agissait de sa fille, elle n'était plus la même femme. Elle avait du courage, de la volonté, de l'initiative, presque de l'intelligence. Elle osait avoir d'autres idées que son mari, résister à ce qu'il voulait, l'amener à faire ce qu'elle voulait elle-même ou ce que Geneviève désirait. La réponse que M. de Mussidan avait faite à Mademoiselle depuis Lorins, mise par elle à la poste le soir même, elle ne s'était pas endormie dans une paresseuse sécurité. C'était bien que cette réponse eût été écrite dans un moment de colère indignée, mais ce n'était pas tout. Il fallait maintenant que la colère passée, il ne revint pas sur cette fière réponse. C'était le propre de M. de Mussidan de ne jamais penser à son intérêt, ni de ne jamais s'occuper des questions d'argent lorsqu'il voulait une chose. Sous l'influence d'un désir, il ne voyait que la satisfaction de ce désir et sa réalisation immédiate, coûte que coûte. Le reste n'existait pas. Aujourd'hui, tout de suite, cela seul comptait. Mais le lendemain, la réflexion arrivait et avec elle le souci de l'intérêt personnel. Exaspéré par la lettre de sa tante et sous le coup de la colère, il n'avait pas pensé à la suppression de son indemnité. Mais le jour où cette indemnité viendrait à lui manquer, que se passerait-il? Il n'était pas difficile de deviner que Mademoiselle de Puylaurens n'avait supprimé la pension qu'elle servait à M. de Mussidan que pour obliger celui-ci à capituler par la famine. La première chose à faire était donc d'empêcher que cette famine se produisît. Mais comment? S'il avait pu travailler davantage et ajouter ses nuits à ses journées déjà si longues, elle eût sans se plaindre accepté ce surcroît de fatigue. Elle était née pour travailler, et travailler pour sa fille, ce serait un plaisir. Mais cela était impossible. Elle faisait déjà plus que force. Prendre encore quelques heures sur son sommeil, ce serait mourir à la peine. Elle ne voulait pas mourir. Que deviendrait Geneviève? On l'élèverait comme avaient été élevés Sébastien et Frédéric. Et cependant, il fallait qu'elle trouvât, n'importe comment, à remplacer cette indemnité dont son mari, bien certainement, ne se passerait pas longtemps. 2 ans auparavant, elle avait perdu une tante qui vivait à Lille avec un frère aîné, le musicien, qui avait été témoin à son mariage. C'était une vieille fille simple et bonne, et qui s'était consacrée à son frère, qu'elle n'avait jamais quitté, se faisant sa servante, sa mère et sa sœur tout à la fois. À ce métier, elle n'avait pas fait sa fortune. Cependant, à sa mort, elle avait laissé un petit avoir, consistant surtout en objets mobiliers, meubles, linge, et aussi en une part de propriété indivise dans un petit jardin situé aux environs de la ville, où ils allaient passer les dimanches de la belle saison. Soit oubli, soit respect pour la loi d'héritage, cette vieille fille n'avait pas fait de testament en faveur de son frère, de sorte que lorsqu'elle était morte, celui-ci s'était trouvé obligé à partager ce qu'elle laissait avec sa nièce, Madame la comtesse de Mussidan. Grand embarras pour lui, car ayant toujours vécu dans une étroite communauté avec sa sœur, il était assez difficile de distinguer ce qui appartenait à l'un ou à l'autre, et surtout de partager le jardin. Une languette de terre de 60 mètres de long sur 10 de large, et à laquelle on ne pouvait accéder que d'un seul bout. Il avait écrit son embarras à sa nièce. À ce moment, celle-ci était dans une situation qui lui permettait d'obéir à ses sentiments d'affection et de pitié pour ce pauvre homme si rudement frappé. L'indemnité de Mademoiselle de Puylaurens était exactement payée. Elle-même gagnait assez pour subvenir aux besoins de son ménage. Elle avait donc écrit à son oncle de ne pas se tourmenter et de continuer à vivre comme il avait toujours vécu, sans rien vendre de son mobilier, sans vendre son jardin. Le jour où il aurait de l'argent, il lui tiendrait compte de ce qu'elle avait à recueillir dans cette succession. Là-dessus, elle s'en rapportait à sa délicatesse. Mais si, à ce moment, elle avait pu ne pas exiger ce qui lui était dû, les circonstances n'étaient plus les mêmes. Elle avait besoin de sa part d'héritage, et elle l'avait demandé en expliquant à son oncle quelle était sa situation. La réponse ne s'était pas fait attendre. « Ma chère nièce, vous avez eu tort de supposer que je pouvais me fâcher de votre demande. Elle est trop légitime pour me surprendre ou me peiner en quoi que ce soit. D'ailleurs, la façon dont vous avez agi avec moi après la mort de ma pauvre sœur a prouvé une fois pour toutes combien vous étiez délicate dans vos relations de famille. Ce n'est pas maintenant que je vais vous suspecter. Ceci dit, j'arrive à votre demande. J'aurais voulu tout de suite vous envoyer ce que je vous dois. Et pour cela, j'ai fait estimer ce que ma sœur a laissé en meubles et en linge, ainsi que notre jardin. J'ai pris pour cela des gens en qui vous pouvez avoir toute confiance, croyez-le bien. De cette estimation, il résulte que le mobilier et le linge valent 3000 francs et que le jardin vaut 2000 francs. La succession de ma sœur s'élève donc à 5000 francs, c'est-à-dire que la part qui vous revient est de 2500 francs. Je vous avoue que je n'ai pas ces 2500 francs. Nous ne faisons pas beaucoup d'économies, nous autres pauvres professeurs de musique de la province. J'en avais cependant quelques-unes, mais la longue maladie et la mort de ma sœur les ont dévorées. Il m'est donc impossible de verser immédiatement la somme que je vous dois, soit en totalité, soit par gros à-compte. Ce que je vous propose, c'est de vous envoyer jusqu'à ma complète libération 150 francs tous les mois. Ne craignez rien. Si vous acceptez cet arrangement, je le tiendrai. Voici comment je m'y prendrai. Après la mort de ma sœur, ne voulant rien changer à mes habitudes, qui avaient été les siennes, j'ai confié le soin de mon ménage à une vieille bonne, et depuis j'ai continué de vivre comme j'avais toujours vécu. Mais il est certain que je puis très bien me passer de cette bonne et manger au restaurant, ce qui me permettra d'économiser au moins 100 francs par mois. J'en gagne 300. Avec quelques autres économies sur 1000 choses, je peux arriver à prélever sur ces 300 francs 150 francs. Si vous le voulez bien, je vous les enverrai le premier de chaque mois, de sorte que dans le délai d'un an et demi, je me trouverai quitte de ce que je vous dois, capital et intérêt. Encore un coup, ma chère nièce, je regrette de ne pouvoir pas vous verser en une fois la somme entière, mais je fais tout ce que je peux, croyez-le. Dites-moi si cet arrangement vous convient, et si votre réponse est, comme je l'espère, une acceptation, vous recevrez aussitôt mon premier paiement. Présentez mes hommages à Monsieur le comte de Mussidan, embrassez ma petite nièce pour son vieil oncle, et croyez mes sentiments affectueux. Un pareil arrangement n'avait que des avantages pour elle, puisqu'il ne mettait pas aux mains de son mari une grosse somme qui pourrait être dépensée d'un coup. Mais comment celui-ci l'acceptera-t-il? Elle ne pouvait pas le lui cacher, car il ne recevrait pas 150 francs tous les mois sans demander d'où il venait. Quand il rentra, elle lui tendit la lettre. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Une lettre de mon oncle de Lille, je lui écris, sans m'en parler. » Elle continua comme si elle n'avait pas entendu cette observation, et voici sa réponse. « Est-ce que cela m'intéresse ? Il s'agit du règlement de la succession de ma tante. » Alors il prit la lettre et la lut. « Comment ? S'écria-t-il. Il vous était dû près de 3000 francs par votre oncle et vous ne m'en aviez rien dit. Je ne savais pas ce que valait réellement cet héritage et je croyais qu'il n'avait pas d'importance. 3000 francs ? Et puis il me semblait que, n'ayant pas absolument besoin de cette somme, nous pouvions ne pas tourmenter mon oncle. Ce n'est pas tourmenter les gens que de leur réclamer ce qu'ils vous doivent. Nous n'étions pas en situation de faire des cadeaux à votre oncle. Ce n'était pas un cadeau. Cela serait revenu un jour à Geneviève avec ce qu'il lui laissera, car elle sera son héritière. Le bel héritage, ma foi, je vous engage à en parler. Je n'en ai jamais parlé. Enfin, voilà un bonhomme qui en prend vraiment bien à son aise avec nous. 150 francs par mois. Il ne peut pas faire plus. Je vous demande pardon, il pourra faire plus. Pourquoi ne vend-il pas les vieux meubles de sa sœur? Il les aime, pour le souvenir. Pourquoi ne vend-il pas son jardin? À quoi cela peut-il lui servir, un jardin? 60 mètres de long, 10 de large, on ne se promène pas là-dedans. Je suis sûr qu'il y perd son temps à piocher la terre. C'est une rage chez les gens qui travaillent toute la semaine d'aller ainsi se fatiguer à des niaiseries le dimanche. Cependant, après avoir exhalé son mécontentement, il finit par dire qu'il approuvait cet arrangement. « C'est toujours 150 francs, dit-il. Maintenant, il faudra me trouver les 150 autres qui manquent pour former les 300 francs nécessaires à ma dépense mensuelle. J'y suis habitué. Je ne peux pas la réduire. »